Elle était plus que bien, cette soirée d'anniversaire. Ce qu'on a bu de vin, et aussi un peu de bière, du gin, de la vodka, et deux ou trois autres choses. Parce que c'est plus sympa, et puis 20 ans, ça s'arrose. Il est 2 heures du mat, on va pas se quitter comme ça. Si on allait en boîte, on prendra une tequila. Quand Manu est reparti, il avait pourtant l'air zen. N'empêche, elle sera sans lui, la fête, l'année prochaine. Tant de bouquets, de fleurs, au bord de nos roues. Tant de larmes et de pleurs, de détresse sans doute. Le temps passe et délave leurs couleurs. Mais rien, hélas, n'efface la douleur. Tant de bouquets, de fleurs, tant d'êtres qui nous manquent, partis bien avant l'heure. D'une mort impatiente, le vent sèche dans nos yeux tous les malheurs. Mais il nous reste un vide au fond du cœur. Elle était bien gentille, la voisine du 4e. Une mère de famille et une vie sans problème. Des enfants qui l'adorent, elle leur raconte des histoires de princes, de châteaux forts, pour s'endormir le soir. Chaque matin à 5 heures, elle les quitte pour son travail. S'éloigne à contre-cœur dans le froid et la grisaille. Parce qu'elle n'a pas vu venir ce camion dans le brouillard, elle pourra jamais lire la fin de leur histoire. Tant de bouquets, de fleurs, au bord de nos routes. Tant de larmes et de pleurs, de détresse sans doute. Le temps passe et délave leurs couleurs. Mais rien, hélas, n'efface la douleur. Tant de bouquets, de fleurs, tant de chapelles ardentes pour un frère, une sœur, une abonnée absente. Des gens qui étaient tant aimés des leurs, à qui on offre comme un dernier honneur. Tant de bouquets et de fleurs.